Riff ADLK, soyons réalistes. Soyons réalistes. On a de la peine à vider car ici on mène la vie dure. Depuis trois piges, je fais que naviguer dans l'encre de mon écriture. Soyons réalistes, même si on n'a pas les bons critères. Ici les jeunes font du bif à l'opinel ou au cutter. Certains trouvent le réconfort dans le pilon ou dans l'alcool. On sneak le foie et les poumons mais au final on trouve ça cool. Frère, sois réaliste, t'as les cartes en main pour réussir. Pose-les sur la table et fais tout pour pas périr. Ici on mène ici un combat dur, une lutte acharnée. Y'a même aussi des fractures, alors belle et cartonnée. Dans mon tier car y'a que des bêtes et la belle c'est fait cartonner. Dans tous les cas faudra que ça pète car un jour la roue va tourner. Sois réaliste car t'as l'avenir entre tes mains. Dans la ville faut t'aimer, mal la galère sur le terrain. J'compte pas m'enterrer ici, pour ça j'suis pas intéressé. Tu peux lire dans mes récits, c'est la réussite que j'récite. Soyons réalistes, du son on sait faire que ça. Réaliste, on est là pour prouver ça. Qu'est-ce qu'on vise? Le compte d'un joueur du Barça. Représente le ghetto, alors check ça. Soyons réalistes, du son on sait faire que ça. Réaliste, on est là pour prouver ça. Qu'est-ce qu'on vise? Le compte d'un joueur du Barça. Représente le ghetto, alors check ça. La mélodie des blocs, des fois laisse place à celle des glocks. Rien se débloque, tu souhaites t'en sortir frère, j'te dis good luck. Ici bas c'est la crise, j'dirais mieux c'est la merde. On persévère dans notre peur, même si l'état nous bloque. Sois réaliste, car j'n'ai pas la dégaine d'un cinéaste, ni la gueule d'un médium qui voit ta vie dans les astres. Ce que j'dis c'est véridique, j'suis resté authentique. Pas comme CMC, perdu dans la tectonique. J'suis réaliste, quand j'entends que des personnes meurent de faim, ou une famille qui est logée dans une chambre F1. Trop réaliste, mais t'inquiète pas j'arriverai à mes fins. Trop réaliste, car n'oublie pas qu'on finit tous des fins, tous des fous. Sur ma tête on a tous des défauts, tous des vices. Ceux qui parlent trop, bah c'est tous des faux. DLK c'est du lourd, c'est le son dans pas des tours. Écoute le maxi, tu seras qu'on fait pas tes tours. Soyons réalistes, du son on sait faire que ça. Réaliste, on est là pour prouver ça. Qu'est-ce qu'on vise? Le compte d'un joueur du Barça. Représente le ghetto, alors check ça. Soyons réalistes, du son on sait faire que ça. Réaliste, on est là pour prouver ça. Qu'est-ce qu'on vise? Le compte d'un joueur du Barça. Représente le ghetto, alors check du ça. Du son on sait faire que ça, car on a tous un truc dans le sang. Nous c'est dans une taille de style qu'on recherche l'inspiration. Inspiré fait du son, voilà ce qu'il faut pour mettre l'ambiance. Sois réaliste, la réussite ne se trouve pas en pionçant. On est tous nés dans la galère, ça se ressent dans les haut-parleurs. La vie c'est dur comme une mère qui voit son fils au parloir. J'compte bien m'introduire dans le rap, quitte à briser les parois. Analyse bien mes paroles, ma seule arme c'est le savoir. Soyons réalistes, dans nos cités les keufs nous pistent. Y'a pas de piston, cousin y'a même pas de la veine piste. Tous dans une merde épaisse, moi j'veux pas être de ceux qui périssent. Les plaies apparaissent tellement de rage que j'ai les poils hérissés. Scolarisé, j'y suis plus 4 ans que j'ai quitté le lycée pour le quartier. Normal que quand tu me vois j'ai les yeux plissés. Soyons réalistes, tu passeras pas ta vie à biser ou à prendre des risques, même si sur l'état t'as toujours pissé. Soyons réalistes, du son on sait faire que ça. Réaliste, on est là pour prouver ça. Qu'est-ce qu'on vise? Le compte d'un joueur du Barça. Représente le ghetto, alors check ça. Réaliste, du son on sait faire que ça. Réaliste, on est là pour prouver ça. Qu'est-ce qu'on vise? Le compte d'un joueur du Barça. Représente le ghetto, alors check ça.